Encore une fois en freestyle avec toujours autant de style. En gros au détail je pèse mes mots quand je les deal. Sur l'état du macadam on crève la dalle jusqu'à Paname. Pour que t'as du vagalame c'est l'animal qui s'en émane. Alors je braille dans mon micro, je calme des mots donc calme mes mots. Calme les faux et sans défaut, sous cap noir et à coup de flow. Ah, mate la démo, bla comme ça pète trop. Ton type pis en tif mot, trop de tristesse en mytho. Trop de vécu sur cet instru dont personne n'est dans l'abri. Trop cessu par les intrus, voilà ce que la vie m'a appris. Solitaire dans mon parcours, esquivant tous ces vautours. Y'en a plein les alentours, mais je n'en fais pas le demi-tour. Barrière devant moi, que je casse les chiens à bois. Mais je passe mon troisième toit pour les strass. Je marche droit et je trace. Ma vie ne tourne que sur trois pattes, j'ai tripoté à quoi. Ma sape ne leur plaise pas, rien n'a tricoté à poigne. Y'a tellement de trucs qui me dépassent que je reste sur la ligne de départ. Des pères qui prennent la fuite et des porcs qui méritent des tartes. Beaucoup je stagne et je le répète tant que ça peut me soulager. Minos, t'es égoïste, tu rap pour toi, pas pour les outragés. Je suis pas venu au monde pour gagner des clopinettes. C'est triste à dire, mais dans la rue t'es rien sans opinette. Mes opinions, c'est la seule chose qu'on pourra jamais me prendre. J'ai qu'une corde à mon arc avec lequel j'ai déjà pensé à me pendre. Compte que sur toi et ne crois pas tout un ami. Aie confiance qu'en toi-même ou tu te feras descendre sur le tatami. Je traumatise peut-être, mais ma vision est dégueulasse. Je pose des petits bouts de phrase sur une feuille blanche dès que je me lasse. Les petits plats sont dans l'écran, donc mets le plat sur la playlist. Fais pas le player, ou je te ferai bouffer mon pénis. Ok, ok, j'ai mes menus sur son plat-plat. Y'en a marre de ces MC Scarface qui sont beaux qu'à faire du blabla. Si puis les droits de sang, la rode, on l'a tué sans dièvre. Nos lyriques, ça sent, on te fait du bon sans tête. Ok, ok, j'ai mes menus sur son plat-plat. Y'en a marre de ces MC Scarface qui sont beaux qu'à faire du blabla. Si puis les droits de sang, la rode, on l'a tué sans dièvre. Nos lyriques, ça sent, on te fait du bon sans tête. Mon P2 s'appelle AK, matricule 47. Ici, ça braille, c'est fan d'armes. Pour un feed, je monte en selle. J'suis le soldat de ma petite guerre. En première ligne, pas de bol. Dans la tranchée, ça racole et ça se casse à l'alcool. Je veux redevenir bon en sport et nul en alcoolisme. Que mon avenir arrive petit à petit par colis. Mec, regarde mon entourage, l'hypocrisie c'est le sida. L'amitié n'a qu'un jeune âge, moi sur ma liste, tiens moins de cigares. On s'égare, même sans guerre, on veut pas croire ce qu'on voit. Des larmes de sang qu'on verse, on s'ingère ce qu'on voit. Qu'on se genre, il faut que la réussite je la loue. Mais laisse parler, l'anorexie va toucher les jaloux. C'est le son d'ici, je mets le rap sans dessus dessous. Si ici, souvent déçu, je t'y pute et je dessoule. Esprit de jeune à conscience, c'est le danger qu'on consomme. Rien de bon dans ce qu'on conçoit pendant que nos vies se consument. Mais c'est faute les sentiments, l'amour, la joie, l'amitié. Car ils sont vos gentiments au profit de la pitié. Celle qu'on implore quand on se retrouve à terre. Comme un bateau sur un quai de port, cette inertie c'est notre galère. Je gueule si fort dans l'anti-pop, c'est que j'ai toujours pas l'antidote. J'emmerde tous ces anti-raps qui vénèrent leur musique pop, ça c'est clair. Okay. Ma voix n'est pas mélodieuse, tu trouveras pas Bob Sinclair. En fille sur une sur nos 16. Je me dérange pas en discothèque, trop de frimes, trop de sueurs, trop peu de paroles sur leur tech. La banquette, je la connais par cœur, mes écrits sont noirs. Et ma plume est brutale, parce que dans mon zonage, je capte le cri, pleure en rafale. C'est pas que j'en raffole, je constate juste les failles. On s'affole des faits que j'énumère en détail. Je suis libre d'expression, alors laissez-nous dire. La pression dans l'impression, c'est qu'on a peur qu'arrive le pire. Ok, ok, j'ai mes munitions sur paplard. Y'en a marre de ces MC Scarface qui sont beaux qu'à faire du blabla. Si puis les droits de sang, la rode, on l'a tué sans dièvre. Nos lyriques, ça sent, fait du bon sans tête. Ok, ok, j'ai mes munitions sur paplard. Y'en a marre de ces MC Scarface qui sont beaux qu'à faire du blabla. Si puis les droits de sang, la rode, on l'a tué sans dièvre. Nos lyriques, ça sent, fait du bon sans tête.